kala koko mobali kavali maloba na ndili mokunza zalaka se moko wabe Laurent roi Salomon Eric Lema Papa na gicle Jordan ngawa bilu muninga Jose Wanduka ngawa bilu encore l'intelligence autour du feu tapeli bonzenga jise di boko Bruno Belli comme méthode de Molenda Papa na mikanda otinda kabato na yo ngawa bilu na ina baye qui j'assons message téléphone Qui moi la mingi moyen vert N'a pesa comme mon cœur à moi nga wabelu na yé kosa ki obema Eric Moula lui yaya Qui dit mieux Mon cliché de bleu qui n'a pas Wabelo ramo wabelo ramo papa na Jordano Restaurant Macambo Jean-Marie Vianney Unité de mesure Par le fer Chantal et Sam et la belle Toujours à la page. mabe ba chale nonona di kaskasongo tatu bokadino jokadino.